Lettre 51e. Position et influence des femmes à Paris. Les maris français. Les femmes en France ne craignent pas de montrer leur instruction. Les femmes auteurs. Les dames de la halle. Les vieilles femmes. Je ne crois pas qu'il y ait rien à Paris qui fournisse un sujet d'observation aussi curieux et aussi inépuisable que le caractère, la position et l'influence des femmes. Mais ce sujet, quoique fertile et plein d'intérêt, n'est pas sans difficulté, et pour preuve, il suffit de remarquer que Jean-Jacques, qui presque toujours sait faire partager à ses lecteurs sa propre conviction, a totalement échoué à cet égard. Dans une des lettres de la nouvelle Héloïse, il trace le caractère de quelques femmes très ordinaires, qu'il gourmande sans miséricorde pour le mauvais goût de leur toilette, et il termine ce portrait manqué des femmes de Paris en avouant qu'elles ont assez bon cœur. Il faut convenir que c'est là une bien maigre description de cette importante portion du genre humain. Et il n'y aurait pas de livre que je lusse avec plus de plaisir que celui qui remplirait toutes les lacunes du sien. Ne croyez pourtant pas que j'ai la prétention d'entreprendre cette tâche. J'en suis encore moins capable que l'était ce sublime misanthrope. Car quoique je sois d'opinion qu'il vaut mieux que ce soit un spectateur dépourvu de passion plutôt qu'un amant qui essaie de décrire tous les petits atomes dont se compose la délicate mosaïque d'une Parisienne, je suis d'avis que ce peintre ne devrait pas être une femme. Tout ce que je puis pour vous à cet égard est de vous communiquer les observations que j'étais moi-même dans le cas de faire, par les regards que j'ai jetés sur elle en passant, ainsi que par les rapports qui m'ont été faits par des personnes dignes de foi. Mais je n'ignore pas que tout ce que je dirai n'aura pour effet que d'augmenter votre désir de les mieux connaître encore que vous ne le ferez par mes lettres. Du moment où l'on est admis dans la société française, on s'aperçoit sur le champ que les femmes y jouent un rôle fort distingué. Les femmes anglaises en font certainement autant dans la leur, mais pourtant je ne puis m'empêcher de penser, mettant de côté toutes exceptions individuelles, que les femmes en France ont plus de pouvoir et exercent une plus grande influence que celle d'Angleterre. Je sais que c'est là une proposition très hardie et que vous serez tenté d'attaquer, mais que j'ai tort ou raison, je suis du moins sincère dans mon jugement et c'est là ce qui fait son plus grand prix, car je ne sais si je parviendrai à expliquer d'une manière bien satisfaisante les fondements sur lesquels il repose. La France a été surnommée le paradis des femmes, et certes, s'il suffit de considération et de respect pour constituer un paradis, c'est avec raison qu'elle a reçu ce nom. Je ne veux pourtant point admettre que les Français soient de meilleurs maris que les Anglais, quoique je sois assez porté à croire que ce sont des maris plus polis. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. Pour cesser toute plaisanterie, je suis d'opinion que ce ton et ces manières plus respectueuses, ou par quelque autre épithète qu'on veuille les désigner, sont loin d'être superficiels, du moins dans leurs effets. Je serais fort surprise si j'entendais dire qu'un Français bien élevé eût jamais parlé malhonnêtement à sa femme. Rousseau, dans un moment où il voulait être ce qu'il appelle lui-même souverainement impertinent, a dit qu'il est connu qu'un homme ne refusera rien à aucune femme, fût-ce même la sienne. Mais ce n'est pas seulement en ne lui rien refusant qu'un mari français montre la supériorité que je lui attribue. Je connais bien des maris anglais qui sont tout aussi généreux. Mais si je ne me trompe, la considération générale dont jouissent les femmes françaises a son origine dans le respect domestique qui leur est universellement témoigné. Je n'essaierai point de décider jusqu'à quel point peut être fondée l'idée généralement adoptée chez nous que les femmes mariées en France sont d'une vertu moins sévère que celle d'Angleterre. Mais si j'en dois juger par les marques de respect que leur témoignent leur père, leur mari, leurs frères et leurs fils, je ne saurais croire, en dépit des récits des voyageurs et même de l'autorité des contes moraux, qu'il n'y ait pas beaucoup de vertu là où il y a tant d'estime. Dans un ouvrage récemment publié sur la France, et dont j'ai déjà eu occasion de parler, l'auteur compare le talent des femmes anglaises et françaises pour la conversation et il trace un tableau si exagéré de la frivole nullité de ces belles compatriotes que si cet ouvrage jouissait d'un grand crédit en France, on y serait sans doute persuadé que les femmes anglaises sont tant soit peu Agnès. Or, je crois ce jugement aussi peu fondé que celui de ce voyageur qui nous accusait toutes d'aimer l'eau-de-vie. Il est possible que les femmes avec qui cet illustre écrivain a entamé des conversations aient été si frappées d'effroi à la pensée de son immense réputation qu'elles en soient restées muettes. Mais dans tout autre cas, je pense que les femmes anglaises causent aussi bien qu'en aucun pays du monde. Il est certain, pourtant, que chez nous les femmes, surtout celles qui sont jeunes, se trouvent, sous ce rapport, dans une position très désavantageuse. La plupart d'entre elles sont aussi instruites, et peut-être plus que la majorité des Françaises. Mais, malheureusement, il arrive souvent qu'elles éprouvent un effroi extrême à l'idée de le paraître. En général, elles craignent beaucoup plus de passer pour savantes que d'être rangées parmi celles qui sont ignorantes. Heureusement pour la France, il n'y a point de marque distinctive, point de stigmate qui s'attache aux femmes douées de talent ou d'instruction. Toute Française met en dehors avec autant de franchise que de grâce tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle sent sur quelque sujet que ce soit, tandis que chez nous, la crainte d'être taxée de bas bleu jette un voile sur plus d'un esprit supérieur. Des saillies d'imagination sont réprimées de peur de trahir l'instruction ou le génie de maintes jeunes filles qui aiment mieux qu'on la croie sotte que savante. C'est cependant là une bien vaine crainte, et pour le démontrer, il suffit de jeter un regard sur la société si nous n'étions pas aveuglés par nos préventions. Il se peut que par-ci par-là, un sourire ou un haussement d'épaule accompagne l'épithète de bas bleu. Mais ce sourire ou ce haussement d'épaule étant toujours le fait de ceux dont le suffrage n'est d'aucune importance dans la société, on aurait grand tort de prendre pour les éviter un masque d'ignorance et de frivolité. C'est là, je crois, la véritable cause qui fait que la conversation des femmes parisiennes se soutient sur un diapason plus élevé que celui auquel les femmes anglaises osent prendre le courage de monter. La politique elle-même, ce terrible écueil, qui engloutit une si grande partie du temps que nous consacrons à la société et qui partage nos salons en des comités d'hommes et des coteries de femmes, la politique elle-même peut être traitée par elle sans inconvénient, car elle mêle sans crainte à ce sujet malsonnant tant de gais persiflages, tant de perspicacité et un tact si sûr, que plus d'une difficulté, qui a peut-être embarrassé de sages législateurs dans la chambre, est tranchée par elle dans les salons et devient, grâce à la légèreté de leur esprit, parfaitement intelligible. Il suffit d'être familiarisé avec la délicieuse portion de la littérature française qui se compose de recueils épistolaires et de mémoires, ouvrages dans lesquels les mœurs et l'esprit des personnages sont peints avec plus de vérité qu'ils ne sauraient l'être dans aucune biographie, il suffit, dis-je, de connaître l'aspect de la société, telle qu'elle se montre dans ces volumes, pour sentir que le caractère français a éprouvé un grand et important changement depuis un siècle. Il est devenu peut-être moins brillant, mais aussi moins frivole. Et si nous sommes obligés d'avouer que la constellation littéraire qui aujourd'hui paraît sur l'horizon ne contient aucun astre aussi éclatant que ceux qui étincelaient sous le règne de Louis XIV, nous ne trouverions pas non plus à présent de ministre qui écrivit à son ami, comme le cardinal de Ré à Boisrobert, « Je me sauve à la nage dans ma chambre, au milieu des parfums. » En attendant, si l'on peut accorder une confiance entière à ces annales des mœurs, je dirais que le changement qui s'est opéré dans les femmes n'a point été dans la même proportion. Il me semble retrouver en elles le même genre d'esprit que Madame du Deffand nous a fait si bien connaître. Les modes doivent changer, aussi les modes ont-elles changé. Et cela non seulement aux habits, mais encore dans des points qui tiennent d'une manière plus profonde aux mœurs. Mais toutes les parties essentielles sont restées les mêmes. Une petite maîtresse est encore une petite maîtresse. Et l'esprit d'une femme française est toujours ce qu'il était, brillant, enjoué, cependant plein de vigueur. Je ne puis m'empêcher de croire que si Madame de Sévigné elle-même pouvait tout à coup reparaître dans les lieux sur lesquels elle répandit tant d'éclat, et qu'elle se retrouva au sein d'une soirée de Paris, elle ne sentirait aucune difficulté à prendre part à la conversation, de même qu'elle le faisait avec Madame de Lafayette, Mademoiselle Scudéry et tant d'autres femmes d'esprit de son temps, pourvu toutefois que l'on ne parlât point de politique. Sur ce sujet-là, elle et ses interlocuteurs ne s'entendraient guère. Les dames écrivent toujours des romans et toujours des vers. Elles écrivent aussi des mémoires et savent critiquer aussi finement qu'autrefois. Et s'ils n'avaient pas cessé de donner de ces soupers où elles condamnaient à leur gré les poètes à l'oubli ou à l'immortalité, je dirais qu'elles n'ont dégénéré de leur célèbre misaïeul en aucun des dons de la nature ou de l'art. Je ne pense pas que l'on me dise que leur caractère a changé, parce qu'au lieu de discuter le mérite d'une nouvelle comédie de Molière, elles examinent celui d'une loi soumise aux chambres. Il n'y a plus guère aujourd'hui de nouvelles pièces de théâtre qui vaillent la peine d'une critique, tandis que les lois nouvelles se trouvent en abondance. En un mot, quoique les sujets de conversation soient changés, ils sont toujours traités avec le même esprit, et si les marquis d'autrefois sont devenus des doctrinaires, les dames du moins n'ont pas cessé d'être brillantes, spirituelles et gaies, et ne se sont pas mises à défendre le positif en opposition à l'idéal. Elles demeurent toujours fidèles à leur vocation qui est de charmer, et je me flatte qu'elles parviendront à combattre avec succès cet amour toujours croissant de leurs compatriotes pour le positif, et qu'elles empêcheront que chaque salon ne devienne, comme le boulevard du Café Tortoni, une petite bourse. Je fus si frappé de la vérité et de la tournure élégante d'une pensée à ce sujet que je trouvai l'autre jour dans l'album d'une dame française que je ne pus me refuser au plaisir de la transcrire. Proscrire les arts agréables et ne vouloir que ceux qui sont absolument utiles, c'est blâmer la nature qui produit les roses et les jasmins comme elle produit les fruits. Quoi qu'il en soit, cette maxime, toute simple et toute naturelle qu'elle est, court risque d'être oubliée si l'esprit continue la marche forcée à laquelle il se livre en ce moment. Mais la France ne partagera point cet oubli contre nature tant que les femmes y resteront ce qu'elles sont. Les grâces de la vie ne seront jamais sacrifiées par elles à la prétendue recherche de la science, et l'abstrait examen d'une question d'économie politique ne sera jamais accepté à Paris comme le parfait modèle d'une lecture amusante, ni comme un magnifique effort du génie d'une femme. Et cependant, nulle part les vrais efforts de l'esprit féminin ne recueillent plus d'honneur qu'en France. La mémoire de Madame de Staël paraît avoir un autel dans le cœur de chaque femme, et la gloire qu'elle a répandue sur son pays rejaillit sur chacune de ses compatriotes. J'ai entendu citer aussi le nom de Mrs. Somerville avec admiration et respect par des personnes qui se reconnaissaient incapables d'apprécier ou du moins de suivre la marche de cette âme si extraordinaire. En parlant des femmes de Paris, je ne dois pourtant pas me borner exclusivement aux classes élevées, car nous savons tous que trop bien que les dames de la Halle, autrement dit les Poissardes, ont joué un rôle important dans l'histoire de Paris. Mon intention n'est cependant pas ici de parler de la parideuse qu'elles ont prise à la Révolution en 93. Les victoires d'Alexandre le Grand ne sont guère moins connues que leurs actions infernales. C'est plutôt sur l'espèce de respect singulier dont elles jouissent dans des temps moins orageux que je veux fixer votre attention, parce que rien d'analogue à cela n'existe chez nous. Dans toutes les grandes occasions publiques, telles que l'avènement d'un roi, sa restauration ou autres semblables, ces femmes jouissent du privilège d'envoyer une députation au pied du trône. Rois et reines acceptent leurs bouquets et écoutent leurs harangues. Les journaux, en rendant compte de ces visites de cérémonie, n'appellent jamais ces femmes que les dames de la Halle, phrase qu'il serait difficile de rendre en anglais par une expression équivalente. Ces dames ont aussi une littérature à elles, et elles ont trouvé parmi les beaux esprits de la France des troubadours pour enregistrer leurs bons mots et donner l'immortalité à leurs aventures dans la singulière espèce de composition appelée chanson grivoise. Quand Napoléon revint de l'île d'Elbe, elles le complimentèrent aux Tuileries en chantant la Carmagnole. 100 jours plus tard, elles retournèrent au château, mais cette fois le compliment fut adressé à Louis XVIII et accompagné d'une chanson dont le refrain était le célèbre calembour du temps « Rendez-nous notre père de Gand ». Non seulement ces dames se mettent en avant dans les occasions politiques, on assure qu'en dépit de leur férocité révolutionnaire, il leur arrive parfois de prendre sur elles le rôle de conservatrice des mœurs publiques. Quand Madame la comtesse de N et son amie Madame T se montrèrent dans le jardin des Tuileries, dans un costume que les dames de la halle jugèrent contraire à la décence, elles s'armèrent de fouets, et se rendant encore à la promenade, elles forcèrent ces audacieuses beautés à rentrer chez elles pour se mettre à l'abri de leurs coups. On assure que l'influence et l'autorité de ces femmes sur les hommes de leur classe sont fort grandes et se prolongent pendant tout le cours de leur vie. Pendant que sa mère vit, un Français reconnaît ses premiers soins par de l'affection, du respect et même de l'obéissance. Consolez, ma pauvre mère, ont été en mille occasions les dernières paroles des soldats français sur le champ de bataille. Et toutes les fois que l'on voit une femme âgée assise au coin de la cheminée, on peut être sûr que c'est devant elle que sont portées toutes les confiantes requêtes, tant dans les grandes que dans les petites circonstances. J'ai entendu l'autre jour discuter gravement, pour savoir si c'est en Angleterre ou en France, que les dames âgées ont le plus de bonheur en partage. Tout le monde paraissait d'accord pour dire qu'en tout pays, il est fort difficile à une jolie femme de vieillir, qu'il était terrible de devenir chenille après avoir été papillon, et que le seul moyen efficace d'éviter cette horrible transition était d'abandonner de bonne foi toute prétention à la beauté à un âge où l'on en conserve encore quelques restes, et dès lors ne plus attacher son ambition qu'au charme durable de l'esprit, bravant de cette façon le temps et les rides. Il n'y a pas de doute que ce ne soit là le meilleur parachute auquel puisse se fier une beauté tombante, mais pour une qui est dans le cas de pouvoir l'employer, il y en a mille qui sont obligés de se soumettre à un oubli éternel, et la question reste par conséquent tout entière, laquelle des deux nations entend le mieux l'art de tomber avec grâce. Il n'y a que deux manières de s'y prendre rationnellement. L'une est de sauter à pieds joints par-dessus le Rubicon, à l'apparition du premier cheveu blanc, et de s'établir sur le champ sur un sofa, avec tous les agréments du tabouret et de l'espace pour étendre ses coudes. L'autre manière est de prendre la résolution désespérée de ne jamais vieillir du tout. Nous autres Anglaises savons assez généralement prendre le premier parti avec une très noble résignation, et les Françaises, par le moyen de quelques secrets inappréciables, qu'elles gardent prudemment par-devers elles, réussissent merveilleusement bien dans le second.